إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من منة الله على عبده بالإسلام منة عظيمة لا تعدلها منة ولا نعمة فإنه الدين الذي ضمن الله لصاحبه السعادة في الدنيا والآخرة ولكن هذه النعمة نعمة الإسلام قد يخسرها العبد بعد الفوز بها إنه كما ينهدم البيت بعد بنيانه فكذلك قد ينهدم إسلام العبد فينسلخ من دينه وإيمانه وذلك إذا آتى شيئا من نواقض الإسلام ونواقض الإسلام كثيرة لا تنحسر صورها في عدد محدود ومن تلك النواقض من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر كأن أصيب بمرض النفاق في قلبه فيكره بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكره مثلا صلاة الجماعة لا يراها يرى كل إنسان يصلي كما يريد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان يكره هذا التجمع يكره أي شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من الفرائض ولو كان السنة إذا أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكرهه سواء كان ذلك فرضا أو واجبا أو سنة فذلك كفر بالله لأن كراهية ذلك يجر إلى كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم محبته فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة عظيمة من شعب الإيمان ومن أصيب في قلبه بشيء من كراهية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم محبته وعدم توقيره ما حصل ذلك إلا لخراب في قلبه وذلك الخراب هو الكفر وذلك الخراب هو الذي جعله يكره بعض التعليمات الإسلامية وبعض الشرائع وبعض الفرائض وبعض السنن قد يعمل بذلك مجاملة للناس ومدارة كما كان المنافقون يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وهم كفار في قلوبهم لكنهم يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم مجاملة ونفاقا من حصل منه شيئا من هذا فهو كافر وإن كنا لا نبحث عما في القلوب لكن إذا ظهرت علامات تدل على بغض أو أعلن بذلك وتكلم بذلك يحكم عليه بالردة. ومن نواقض الإسلام من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كمن استهزأ بشيء من الدين كما قلنا واجبا أو ركنا أو شرطا أو سنة، ولو سخر من السواك يرتد، ولو سخر من إعفاء اللحية يرتد، ولو سخر من الثوب القصير يرتد. فليفهم جيدا الأمر ليس بهين، لأن المسألة تعظيم الله وتعظيم شرع الله وتوقير ما جاء بهذه الشريعة. من استخف وسخر بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هذه الدرجة إلا لخراب في قلبه. يقول العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حقيقة الكفر خراب القلب، ويعرف ذلك من تصرفات الإنسان ومن مواقفه ومن فلتات لسانه، يعرف خراب قلبه، وذلك هو الكفر. والسخرية كثيرة يقع فيها بعض الناس من حيث لا يشعرون، كالذين يسخرون كثيرا ما نسمع من اللحية وأنه شعر لو كان فيه خيرا ما نبت في المكان الفلاني. هذا كفر وردة لا ينبغي التردد فيه. من يشك في كفر من يقول هذا فهو يكفر، لأنه لم يكفر كافرا. من بلغت به الوقاحة إلى درجة أن يقول اللحية هذا الشعر لو كان فيه خيرا ما نبت في المكان الفلاني، الذي يستحيي الإنسان من ذكره وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية كما في الأحاديث كلهم صحيحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحية، واحفوا الشوارب، أخرجه البخاري ومسلم. وأنه أمر بإعفاء اللحية مع علمه كل ذلك وسماعه ووجود الرسائل المنتشرة اليوم بين الناس في هذا الحكم، إذا بقي على هذه السخرية وهذا الاستهزاء فإنه يرتد عن الإسلام. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وقتادة أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قراء هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث بحديث الركبة نقطع بها الطريق، وكان يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، أخرجه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره بسند صحيح. وفي هذا الخبر فوائد عظيمة، ومنها وجوب تعظيم الله وتوقيره، وكذا تعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فإن ذلك من لوازم الإيمان. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. ومنها وجوب تعظيم القرآن الكريم واحترامه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وقد وصفه الله بالعظمة والكرم، وأمر بالإيمان به والتدبره والعمل به وتعظيم ما فيه من الشعائر. ومع ذلك فمن الناس من يتجرأ على كتاب الله كما يفعله السحارة والمشعوذون من إهانة المصحف وتنجيسه، عليهم من الله ما يستحقون. ومن الناس من يسخر بما فيه من العقائد والأحكام والآداب، ويعدها مصادمة للحرية وتخلفا ورجعية، وكلا الأمرين كفر وردة والعياذ بالله. ومنها وجوب احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها. فمن الناس اليوم من يتهون بالسنة ويزهد فيها ويسميها قشورا وينتقد من يعتني بدراستها وتعليمها للناس، ويجعلهم محل سخرية والعياذ بالله، مما يخشى معه أن يكون ذلك من السخرية والاستهزاء الذي يخرج به صاحبه من الملة. ومن فوائد الخبر أنك إذا نظرت فيه وجدت المتكلم في ذلك الحديث وفي ذلك المجلس كان واحدا، ولكن الله عمم الحكم فقال كنتم تستهزئون، فعدهم كلهم مستهزئين. والسبب في ذلك أنهم لم ينكروا بل سكتوا فصاروا شركاء، وسلم ذلك الشاب وبرئ من الإثم لأنه أنكر. فالواجب على المسلم أن يقوم من المجالس التي يسخر فيها بدين الله، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نسأل الله السلام والعافية، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباع، وأن يرينا الباطل باطل، وأن يرزقنا اجتناب. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant musulmans soumis à Allah. Craignez Allah, et Allah vous donnera la clairvoyance et la bonne compréhension de la religion. Et celui qui craint Allah Azza wa Jal comme il se doit, Allah lui donnera une provision d'où il ne s'imaginait pas, d'où il ne s'attendait pas, et lui donnera une issue favorable à son problème. Serviteur d'Allah, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah, le Très-Haut. Et que la meilleure des voix est la voix de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahabes. Et que toutes choses inventées dans la religion sont les pires des choses. Les pires des choses sont les choses inventées dans la religion. Et toutes choses inventées dans la religion sont des innovations religieuses. Et toute innovation religieuse est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteur d'Allah, Parmi les bienfaits qu'Allah le Très-Haut donne à son serviteur, c'est le bienfait de l'islam dont Allah a promis pour celui qui l'accepte et l'applique. Allah Azza wa Jal lui a promis la sécurité et le bien dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Le bienfait de l'islam n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui ne possédaient pas ce bienfait dans ce bas monde regretteront le jour de la résurrection et reconnaîtront la ni'ma, reconnaîtront le bienfait qu'ils n'ont pas eu dans ce bas monde, dû à leur arrogance, à leur orgueil et à leur mécréance à rejeter la vérité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à rejeter le message avec lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et ceci est également dû à leur aveuglement volontaire face aux signes d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal sait qui mérite la guider de celui ou de celle qui ne la mérite pas. Allah Azza wa Jal sait que si un individu accepte la vérité et est prêt à l'accepter, il le guide vers l'islam. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Il aurait fait qu'ils entendent ce qui touche leur cœur, car les preuves, ils les ont entendues, mais s'en détournent par leur arrogance et orgueil. En se détournant de la vérité, Allah Azza wa Jal leur a empêché d'être touché par dans le cœur et ce qui va faire qu'ils vont accepter la vérité. Car ils se sont détournés, leur preuve leur est parvenue, ils s'en détournent et ils deviennent arrogants et orgueilleux. Si Allah Azza wa Jal sait un bien, il vous donnera du bien. Si Allah Azza wa Jal sait un bien dans vos cœurs, que vous cherchez la vérité, que vous êtes sincère envers lui, eh bien, il vous guidera vers la vérité. Cependant, seuls ceux doués d'intelligence s'en rappellent et remercieront Allah Azza wa Jal en l'invoquant de les raffermir sur sa religion et ceci jusqu'à la mort. Ce bienfait de l'islam, le musulman peut le perdre après l'avoir gagné, tout comme les bâtiments peuvent s'effondrer après leur construction. L'islam d'un individu peut s'enlever et s'annuler lorsque celui-ci applique des choses qui annulent et invalident l'islam. Les annulatifs de l'islam sont très nombreux et ne se résument pas à un nombre précis. Par exemple, dans le fiqh al-Hanbali, vous pourrez lire qu'il y a plus de 800 annulatifs de l'islam. Donc il n'y a pas un nombre précis. Parmi ces annulatifs de l'islam, il y a le fait de détester une chose venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque déteste une chose venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant. Et même s'il la met en application, c'est comme si que ce genre d'individu est touché par une maladie du cœur, à détester une chose venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il déteste de faire la prière en groupe à la mosquée et considère que chacun prie comme il veut à la mosquée ou à la maison ou dans n'importe quel lieu. Il déteste ce regroupement pour la prière. Il déteste toute chose ou une chose de ce qui est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il déteste, par exemple, la barbe. Il dit que c'est sale. Il dit que ce n'est pas propre ou que ce n'est pas présentable. N'importe quelle chose venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci qu'il déteste une chose qui est obligatoire ou une chose qui est surérogatoire, faisant partie de la religion d'Allah azza wa jal. Avoir cette attitude, c'est de la mécréance en Allah Azza wa Jal. Car détester une chose de la législation d'Allah Azza wa Jal mène à détester en toute vérité l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci indique également et prouve qu'il n'y a pas d'amour vis-à-vis de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il le prétend, même s'il le dit toute la journée, qu'il aime Allah, qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au fond de lui, il déteste cette sunna, ou il déteste une chose venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'amour envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une des branches de la foi. Donc quiconque est atteint dans son cœur de cette maladie qui est de fait de détester n'importe quelle chose venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne l'honorant pas, ne la respectant pas, cela ne peut arriver que lorsqu'il y a dans le cœur des ravages, des dommages, de la destruction. Et ces ravages, c'est la mécréance. Et ce sont ces ravages dans le cœur qui l'ont conduit à détester les enseignements de l'islam, à détester certaines législations, à détester certaines obligations, à détester certaines sunan. Il se peut que ce genre d'individu agisse de la sorte par soi-disant politesse envers les gens ou pour plaire aux gens, leur montrer une façade de ce qu'ils ne sont pas, tels que les munafiqines, les hypocrites, du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, agissaient. Ils priaient derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils montraient l'islam et cachaient la mécréance. Et ceci, comme vous savez, le nifaq est de deux types. Nifaq akbar ou nifaq asrar. Une hypocrisie majeure, celle-ci annule l'islam de l'individu, il exclut de l'islam. Et l'hypocrisie mineure qui fait partie des péchés majeurs, mais n'invalide pas l'islam de l'individu. Donc ces munafiqines, ces hypocrites du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, priaient derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et se faisaient passer pour des gens qui étaient musulmans avec eux. Mais ils le faisaient par hypocrisie. Car les musulmans avaient une force à cette époque-là et pendant ce temps à Médine. Donc ils ont montré l'islam et caché la mécréance. Donc ils ont montré ça en apparence. Ils ont montré cette façade-là pour plaire aux musulmans présents. Ils montrent cette façade d'être musulmans, mais au fond de lui, ils détestent l'islam. Ou ils mécroient en l'islam, ou ils détestent une des choses qui est venue avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque lui arrive ce genre de choses en lui ou ressent cela dans son cœur, c'est alors un kafir, un mécréant, bien que l'on ne cherche pas ce qui est dans le cœur des gens. Mais s'il apparaît de quelqu'un un de ces signes de mépris envers la sunna ou envers la religion d'Allah azza wa jal, des signes apparents prouvant son animosité ou le fait qu'il le déclare ouvertement, ou en parle, il est alors jugé comme étant un apostat et un mécréant. Quiconque tourne en dérision un enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou de la récompense, ou du châtiment de telle ou telle chose, l'individu qui commet cela a invalidé son islam, a annulé son islam. Certains se regroupent même dans la mosquée, et ils se moquent de certains châtiments en enfer. Et il attend la salat du Isha. Il a invalidé son islam et après il se lève et prie et se considère encore musulman. Ce que l'on doit maîtriser et comprendre, c'est comme je l'ai dit et rappelé au début, c'est que l'islam, comme on peut l'acquérir, on peut aussi le perdre. Ce n'est pas le fait qu'un individu devienne musulman qui restera toute sa vie musulman. S'il meurt musulman et reste toute sa vie musulman, par la miséricorde d'Allah, alhamdoulilah. Cependant, il se peut qu'il commette un de ces annulatifs de l'islam. Se moque de la barbe, ou se moque d'une sunna, ou se moque d'un châtiment. Y a-t-il des cigarettes au paradis? Y a tout ce que tu veux. mais il faudra que tu ailles l'allumer en enfer. Et ces gens-là font la veine, dirigent la prière et se moquent d'un des châtiments. Ou se moquent d'une chose qu'il pourrait y avoir au paradis ou pas. Et ceci prouve le manque de pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Car parler sur Allah Azza wa Jal, sans connaissance, mais en philosophant, ceci prouve que l'individu n'est pas pudique vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Pensez-vous que cet individu qui ne ressent aucune pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal le sera pour les créatures? Il ne respectera même pas leurs droits, puisqu'il n'a même pas respecté le droit du créateur, de celui qui a tout créé. Donc quiconque tourne en dérision un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de la récompense, ou du châtiment de telle ou telle chose, l'individu qui commet cela a annulé son islam, même s'il prétend être un musulman, même s'il prétend continuer à faire les 5 prières. La preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans la traduction du sens du verset. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Tel que celui qui se moque de la religion, qui se moque de la sunna, que ce soit une chose obligatoire ou surérogatoire, la sunna, souvent on entend parler des gens, c'est une sunna, sunna, dénigrement comme ça, mais c'est juste une sunna. Dans la sunna, il y a des sunnas qui sont obligatoires et d'autres qui sont surérogatoires. Et cela dépend de la preuve. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné une chose, ça devient al-amr induit, c'est-à-dire l'ordre induit l'oujoub, l'obligation. D'accord ? Donc il se moque d'une chose obligatoire ou surérogatoire. Tel que par exemple celui qui va se moquer du siwek. Vous savez le bâton qu'on utilise, la sunna qu'on utilise pour les dents. Et il se moque du siwek. Regarde, on est en 2016, il continue à utiliser ça alors qu'on a des brosses à dents. Regarde-moi ça. Celui qui se moque du siwek, il devient un apostat. Vous voyez par une parole. S'il se moque de la barbe, il devient un apostat. S'il se moque du vêtement court au-dessus des chevilles, il devient un apostat. Selon Abi Hurayra, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vêtement qui se situe en dessous des chevilles est en enfer. Sahih al-Bukhari. Ceci prouve que c'est un péché majeur de laisser ses vêtements descendre sous les chevilles. Donc quiconque se moque de celui qui relève ses vêtements afin qu'il soit au-dessus des chevilles, en appliquant l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se moque de cela devient un apostat, un mécréant. On se doit de comprendre parfaitement, de ne pas prendre cela à la légère, car tout réside dans le fait de donner de l'importance, de l'honneur et de la grandeur à Allah, à la législation d'Allah, en respectant sa législation. Donc quiconque prend à la légère et se moque des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce genre d'individu n'atteint ce bas niveau qu'en raison des ravages présents dans son cœur. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, la réalité de la mécréance, c'est le ravage du cœur. Nous pouvons nous apercevoir des ravages dans le cœur d'un individu s'affiliant à l'islam. De part, parce que nous on ne peut pas savoir ce qui est dans le cœur de l'individu. Mais ce qui le trahira, c'est ce qu'il va agir en apparence. De par son comportement, ses positions et ce que sa langue relâche. Et ceci, c'est la mécréance. Beaucoup de personnes tombent dans les moqueries de la religion sans s'en rendre compte. Tels que ceux qui se moquent de la barbe, disant que c'est sale, ce n'est pas présentable, ou disant que c'est un poil, que s'il y avait du bien dans cela, il n'aurait pas poussé à cet endroit. Des gens s'affilient à l'islam et disent ce genre de paroles. Ceci est de la mécréance et de l'apostasie. Il ne faut pas hésiter sur ce jugement, car quiconque doute de la mécréance de celui qui tient ce genre de propos devient à son tour mécréant, car il n'a pas rendu un mécréant mécréant. Mais bien sûr, ce jugement est général. Tu dois t'assurer que l'individu qui tient ce genre de propos sait les conséquences de ce qui va lui arriver s'il tient ses propos. Tu dois t'assurer qu'il a toute sa raison. Et tu dois t'assurer que la preuve lui a été apportée. Celui donc qui est descendu à ce bas niveau de dénigrement de la barbe, alors qu'il sait que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait une barbe bien fournie, et son obligation est clairement mentionnée dans les hadiths tous authentiques du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: différenciez-vous des associateurs, laissez pousser la barbe et taillez vos moustaches. Rapporté par le Bukhari et Muslim dans leur Sahih. D'après Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: taillez la moustache et laissez pousser la barbe, différenciez-vous des masdéens, c'est-à-dire les adorateurs du feu. Rapporté par Muslim dans son Sahih. D'après Abu Umama, radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches, différenciez-vous des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Rapporté par Ahmed et authentifié par l'imam al-Albani dans Silsilat al-Sahiha. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: fait partie de la fitra, c'est-à-dire des comportements innés sur lesquels Allah azzawajal a créé les gens. Fait partie de la fitra de l'islam, le ghusl du vendredi, utiliser le siwak, tailler la moustache et laisser pousser la barbe. Certes, les masdéens laissent pousser leur moustache et coupent leur barbe. Ainsi, différenciez-vous d'eux, taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. Rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Sheikh l'Albani, rahimahullah, dans Silsilat al-Sahiha. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laisser pousser la barbe et de tailler les moustaches. Quiconque connaît tout cela et que toutes les preuves et livres qui sont écrits sur ce sujet sont nombreux, si l'individu reste et demeure sur ses moqueries, il apostasie de l'islam et devient ainsi mécréant. À ces individus qui tiennent ces propos, qu'on leur dise: eh bien, tiens-toi devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imagine-le qu'il soit vivant, et que tu lui dises: mais taille-moi ça, c'est sale, ou ce n'est pas présentable, ou on doit être dans un endroit où est-ce qu'on doit se mouler. Oserais-tu le faire? Craignons Allah Azza wa Jal comme il se doit. L'homme peut prier, jeûner, accomplir des actes d'obéissance, mais s'il se moque de la religion d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce qu'une fois, par une parole, alors il sort de la religion et devient un apostat. Et il doit se repentir auprès d'Allah et rentrer de nouveau dans la religion. Vous voyez le danger de la moquerie de la religion ou de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou de dénigrer un enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi qu'il devient un apostat? Ça veut dire que s'il est marié, son contrat de mariage devient invalide. Et il n'a plus le droit de vivre avec sa femme. Et que s'il meurt dans cela, eh bien on ne le lave pas, et on ne prie pas sur lui, et on ne l'enterre pas avec les musulmans. Et s'il a des enfants, ses enfants ne peuvent pas hériter de lui. Mais s'il ne meurt pas, et qui veut continuer à prier, jeûner, vivre avec sa famille, sa femme, qui est musulmane, il se doit de renouveler son islam, reprononcer les deux attestations de foi, en se repentant sincèrement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, envers Allah Azza wa Jal, regrettant ce qu'il a fait, et qu'il ne le recommencera plus. Et il doit donc prononcer ces deux attestations de foi, et mettre en pratique ces deux attestations de foi. S'il continue et ne se repent pas, il ne sera plus sur cette religion. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, dit, dans la traduction au sens du verset, dit, est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru. Ne vous excusez pas. Ne vous excusez pas. Je riais. Mais non, juste on blaguait. Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru. Ça s'adresse bien à des gens qui étaient déjà musulmans, mais qui se sont moqués et voulaient faire rire l'assistance. Mais non, je rigolais. Mais c'est pour rire. Mais on ne va pas rester sérieux toute notre vie, etc., etc., etc. Craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Il s'agissait d'un groupe de croyants, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabari et qui est authentique, avec une chaîne de transmission authentique, sahih. Il y avait un groupe de croyants qui se moquaient du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons et de la religion. Essayez d'avancer, inshallah, ouvrez la porte pour que les frères rentrent, puis après vous pourrez fermer, inshallah. Un homme avait dit dans la bataille de Tabouk, nous n'avons pas vu de ces hommes-là, yani en insinuant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahabas. Nous n'avons pas vu de ces hommes-là plus de gens qui mangent beaucoup comme eux, plus menteurs qu'eux et plus lâches lors de la rencontre dans la bataille. Auf ibn Malik, radiallahu anhu, lui dit alors, tu as menti, mais tu es un hypocrite. Je vais en informer l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Auf ibn Malik donc, se rendit chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il trouva que la révélation était descendue. L'homme qui avait dit ces fausses accusations pour faire rire l'assistance vint se précipiter chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui disant que c'était pour rire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, sans se retourner et sans rajouter à ce qu'il va dire, il lui a dit, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien renié la foi après avoir cru. Dans ce hadith, on peut en faire ressortir de nombreux bénéfices. Je ne vais pas tous les citer car on n'aura pas beaucoup de temps. Tout d'abord, respecter et donner de la grandeur à la religion d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Également comme bénéfice, le fait d'honorer le Coran, méditer dessus et le mettre en application. Cependant, il y a des gens qui ne respectent pas le Coran, le déshonorent, ceci parmi ceux qui pratiquent le sihr, la sorcellerie, ou bien les charlatans, qu'Allah leur inflige ce qu'ils méritent. Certaines personnes se moquent de la croyance dans le Coran, se moquent des jugements et disent que cela est contre la liberté, que c'est une chose arriérée, comme on entend, moyenâgeuse. Tous ces propos font de celui qui les prononce comme étant un apostat et un mécréant. Certains de nos jours prennent à la légère la sunna, ne l'appliquent pas, voire pas du tout, et se moquent de ceux qui la portent, se moquent de ceux qui l'enseignent. Ce qui est craint pour ce genre d'individu, que cela fasse partie de la moquerie de la religion d'Allah Azza wa Jal, qui exclut l'individu qui le commet de la religion de l'islam. Enfin, lorsque vous observez dans le hadith, vous voyez que celui qui s'est moqué du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était un individu. C'était pas tous ceux qui étaient présents. C'était un individu qui voulait faire rire l'assistance. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, vous Est-ce d'Allah, de ses versets, de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Alors que c'est un individu qui a fait ça. Mais sachant que tous ceux qui étaient présents n'ont pas renié cela, eh bien, ils reçoivent aussi le péché de celui qui l'a commis. C'est-à-dire que si quelqu'un se moque de la religion d'Allah, ou dénigre une sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et que tu es assis dans cette assemblée-là, eh bien, cet individu-là apostasie de l'islam, et tous ceux qui n'ont rien dit en restant silencieux apostasient également de l'islam. Et Auf ibn Malik, radiallahu anhu, lui a renié cela, et donc il a été préservé de ce châtiment. C'est pour cela que il faut faire très attention à ce que certains frères font en regardant tel et tel humoriste qui se moque de la religion et rit sur le fait que sur une des législations d'Allah Azzawajal, ou rit parce qu'il insulte Allah ou dénigre Allah ou fait de la moquerie sur la religion de l'islam, et lui il regarde ça ou regarde ce DVD et il rit. Eh bien, il prend part dans cela. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit, serviteur d'Allah. Rappelez-vous que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Et rappelez-vous le jour où nous reviendrons tous devant Allah Azza wa Jal et chacun d'entre nous devra rendre des comptes. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt. تباركت ربنا وتعاليت اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد